إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله serviteurs d'Allah, craignez Allah et respectez Allah dans ses ordres et dans ses interdictions, et que la dunya soit dans vos cœurs méprisable et que l'au-delà soit dans vos cœurs immense, car le mépris de la dunya et la grandeur de l'au-delà dans le cœur des serviteurs croyants est la cause du bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie, ou bien plutôt il dit, « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا » Ce qui signifie, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est un remède, une guérison, une miséricorde pour les croyants, mais il ne fait qu'augmenter les injustes qu'en perdition. Et il dit dans un autre verset, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً, c'est-à-dire que le Coran est pour les croyants une guidance et un remède. Allah subhanahu wa ta'ala a certes fait de ce Coran une guidance pour les croyants. Il y a mis une guérison et un remède. Et les ulama ont expliqué que la guérison dans le Coran est de trois sortes. La première sorte de guérison et de remède, c'est que le Coran est un remède contre les shubuhat et contre les shahawat. Les shubuhat, c'est-à-dire les doutes et les ambiguïtés dans la croyance et dans la religion. Et les shahawat, c'est-à-dire les tentations par rapport aux désirs et aux choses qui sont interdites. Et donc, il y a dans le Coran un remède contre ces deux catégories de voies et de péchés qui font tomber l'homme dans l'égarement. Et donc, celui qui a pris le dessus sur les shubuhat et les shahawat, il est préservé de l'égarement. Tandis que celui qui s'est laissé, c'est-à-dire qui a laissé les shubuhat et les shahawat avoir le dessus sur lui, eh bien, dans ce cas-là, il ne fait que courir vers les ténèbres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran un guide. Et c'est un guide vers ce qu'il y a de plus droit. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Quiconque veut être sain et sauf des maladies, que ce soit des shubuhat ou des shahawat, alors qu'il s'accroche au Coran, c'est une guidance pour les croyants. Et une guidance qui préserve de l'égarement. Deuxième sorte de guérison et de remède dans le Coran, c'est que c'est une guérison pour les diverses maladies du corps également. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le Coran pour se guérir de diverses maladies. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, Il a dit à ce sujet-là, il n'y a pas une maladie excepté que son remède est dans le Coran. Celui qui le connaît, ce remède, le connaît, mais celui qui l'ignore, l'ignore. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Les versets du Coran, pour les hommes de science, contiennent les médecines les plus étonnantes et les médicaments les plus surprenants que beaucoup ne connaissent pas, malheureusement. Et regardez, par exemple, un des grands ulama de l'islam, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comment il utilisait les versets du Coran qu'il écrivait sur le front d'une personne qui avait des saignements de nez, pour le guérir de cette maladie. Et il écrivait le verset « قُلْ يَا أَرْضُ أَبْلِعِي مَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ » Et la personne était guérie. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ونزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي لدغ يعني لدغ فهل فيكم من راق فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرئ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية قال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب يعني الفاتحة متفق عليه. Et donc c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il explique que les sahaba étaient en voyage et ils se sont arrêtés à un endroit et une femme est venue les voir. Et elle leur a dit, notre chef a été mordu, soit par un serpent ou un scorpion ou quelque chose. Est-ce qu'il y a un parmi vous qui connaît la ruqya ou qui sait faire la ruqya? Alors, un d'entre nous s'est levé et parti avec la femme et elle l'a amené vers son chef et lui a fait la ruqya. Et les sahaba ont dit, on ne savait pas qu'il savait faire la ruqya. Et il lui a fait la ruqya, c'est-à-dire il lui a récité le Coran pour le guérir. Et qu'est-ce qu'il lui a récité? C'était la sourate al-Fatiha. Alors, il fut guéri. Et en récompense, on lui a donné un morceau de mouton et du lait pour boire. Et les sahaba lui ont demandé, est-ce que tu savais faire la ruqya? Et il a répondu, je n'ai fait la ruqya sur lui qu'en récitant surat al-Fatiha. Et ça c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et les ulama ont expliqué par exemple parmi les formes de hajr du Coran. Lorsqu'on cesse de réciter le Coran ou qu'on s'écarte du Coran ou qu'on boycotte le Coran, une des façons dont ce genre de boycott se produit, lorsqu'on s'écarte du Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, dans surat al-Furqan, « وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا » Et le messager dit, « Oh mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran comme une chose délaissée. » C'est-à-dire, ils s'en sont écartés. Ils l'ont laissé de côté. Ils ne le récitent plus. Ils ne l'appliquent plus. Et une des choses qui rentre dans ce genre de hajr du Coran, c'est le fait de ne pas l'utiliser comme un remède. Et donc, ça rentre parmi les formes de hajr du Coran. La troisième sorte, ou la troisième façon dont on peut utiliser le Coran comme un remède, c'est que le Coran est une guérison contre les maladies de l'âme et contre le mauvais œil. Et donc, que ce soit le mauvais œil des hommes ou le mauvais œil des djinns, et donc, ça peut guérir contre ce genre de malaise et ce genre de maladie. Ça peut aussi guérir contre la sorcellerie, le sihr, et contre toutes sortes d'autres maladies du corps, comme on l'a mentionné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné que certains des enfants de Ja'far reçoivent la ruqya lorsqu'il vit des traces ou des effets de Ayn sur lui, ou bien sur eux, sur ses enfants. Et donc il a fait la ruqya sur ses enfants. Et on lui a fait aussi la ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya à plusieurs d'entre les sahaba, et également on lui a fait la ruqya lorsque Jibril est venu, il lui a fait la ruqya. Donc le Coran est un remède, shifa. Et la ruqya par le Coran et par la sunna authentique, ça demeure toujours une forme de remède qu'on peut employer et utiliser. Jibril, comme on a dit, il a fait la ruqya au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la ruqya à certains d'entre les sahaba, et les sahaba se sont fait la ruqya les uns aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Rawahu Muslim an Jabir. C'est-à-dire qu'il disait: celui d'entre vous qui est capable de faire du bien à son frère et de le profiter, alors qu'il lui profite, qu'il lui fasse du bien. Et une des façons de lui faire du bien, c'est de lui faire la ruqya s'il en a besoin. Il y a donc un remède dans la ruqya et dans le Coran. Et la sunna, yani, lorsque tu fais la ruqya par le Coran et par la sunna, eh bien ça peut, par la permission d'Allah, être une guérison et être une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala peut profiter à quelqu'un. Et le Coran est un remède, mais en même temps, il n'augmente les injustes qu'en perdition. Et les serviteurs d'Allah, on voit que yani, beaucoup d'entre les gens aujourd'hui commencent à avoir recours à la ruqya. Et c'est quelque chose qui est très populaire. Et c'est normal que de plus en plus de gens ont recours à la ruqya, et aussi ont recours à des raqi, ou à des gens qui font la ruqya et qui récitent le Coran sur les gens. Également, ils soufflent les versets sur les gens pour eux parce qu'ils désirent de la guérison, ou bien ils désirent faire du bien et guérir les gens. Et donc ces gens qui font la ruqya par le Coran et par la sunna, ceux-là sont des bienfaisants. Inch'Allah, ils auront la récompense pour le bien qu'ils font. Mais il y a une grande partie des gens qui font la ruqya qui malheureusement tombent dans certains problèmes, certaines formes d'erreurs. Et c'est pour ça que les gens sont divisés en trois catégories par rapport à la ruqya. Approchez-vous un peu. Les gens sont divisés en trois catégories par rapport à la ruqya. La première catégorie sont ceux qui font la ruqya et qui connaissent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaissent la législation divine. Ils connaissent les choses dangereuses et glissantes qui sont contraires à l'islam, et ils connaissent les conséquences de ces problèmes et de ces erreurs. Donc ils se limitent à ce qui est permis de la ruqya, et ils la font selon le Coran et selon la sunna. Tandis que la deuxième catégorie des gens qui font la ruqya, c'est par exemple celui qui est ignorant des règles de la ruqya et qui ne sait pas ce qui doit être employé pour faire la ruqya aux gens. Et ils n'ont pas non plus la connaissance des conséquences de la ruqya. Et donc tu les vois par exemple qui rentrent dans le domaine de la ruqya sans aucune science. Et ils se détournent du suivi des savants et de la voie des savants dans ce domaine. Et donc ils commettent beaucoup d'erreurs. Et la troisième catégorie, ce sont les charlatans, les sorciers. Ceux qui utilisent des méthodes de charlatans dans la récitation. Ils font paraître aux gens qu'ils récitent le Coran et la Sunna, mais en réalité, ils utilisent des méthodes qui n'ont pas été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, l'utilisation des djinns dans la ruqya pour être informés de l'état du malade. Et donc, ils essaient de rentrer en contact avec des djinns et ils appellent ça, par exemple, le captage de djinns. Ils demandent aux djinns des informations au sujet de ce qui est arrivé à la personne malade. Et donc, ils offrent aux djinns des choses qui leur font plaisir. Et eux, en échange, ils reçoivent ces informations des djinns. Et cette catégorie de gens fait partie des charlatans et des sorciers. Ceux qui font la ruqya par ce qui est haram. Puisqu'ils emploient des moyens qui ne sont pas supportés par les preuves du Coran ni de la sunna. Et une des raisons pourquoi on ne peut pas utiliser les djinns. Dans la ruqya, premièrement, les djinns font partie du monde du raïb. Et également, ils sont menteurs. Et donc, il n'y a aucun moyen de vérifier s'ils sont véridiques ou non. Et ils peuvent même parfois, certains disent, nous, on fait affaire aux djinns qui sont musulmans. Étant donné que c'est des musulmans, étant donné que c'est des menteurs, ils peuvent prétendre être musulmans alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Et il y a à notre époque une prolifération de ce genre de charlatans et un grand nombre également de récitateurs, des gens qui se sont repentis de plusieurs péchés, ils sont revenus à la religion et ils ont mémorisé le Coran, mais ils n'ont pas encore étudié suffisamment la religion pour être capables de comprendre les règles de la ruqya et de ce qui est permis ou interdit dans ces questions-là. Et ils se mettent à faire la ruqya pour les gens. Et ils tombent dans toutes sortes de péchés et toutes sortes d'erreurs. Et il y en a même qui sont devenus maintenant célèbres pour la ruqya. Alors qu'ils n'ont pas de science pour faire cela. Et également, ils utilisent la ruqya, comme on a dit, d'une manière qui n'est pas légiférée, comme on a dit, en employant les djinns, en faisant du sihr. Et le sihr, c'est quelque chose qui est kufr. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Et donc, ils disent, ils n'enseignaient pas quelqu'un avant de l'avertir. Nous ne sommes qu'une épreuve. Alors, ne tombe pas dans le kufr en apprenant la sorcellerie. Et donc, tu peux voir des gens dans les pays où les gens ont la science et connaissent le tawhid. Dans ces pays-là, il y a moins de diables et moins de sorciers et moins de djinns qui profitent des gens et dont les gens profitent. Tandis que dans les pays de kufr, les pays de shirk, il y a plus de sihr, il y a plus de shayatines qui se propagent, qui se promènent. Et c'est pour ça qu'on voit plus de ce genre de manifestations-là dans ces pays-là. Ou bien dans les pays où les gens sont musulmans, les pays musulmans, mais les gens sont plus loin de l'islam authentique et du tawhid et de la sunna. Et tu vois dans ces pays-là beaucoup d'exemples de ça, beaucoup d'exemples de sihr, de shirk, de charlatanisme. Et c'est pourquoi, à l'époque de Pharaon et dans le pays de Pharaon, il y avait beaucoup de sorciers. Mais lorsqu'il y a de la science, lorsqu'il y a de la lumière du Coran et de la Sunna, les ténèbres se dissipent. Et la ruqya qui est faite selon la Sunna, c'est un des bons moyens pour que justement cette lumière se propage et que cette science se propage. Mais lorsque les gens ont un tawhid qui est faible et que leur cœur est faible et qu'ils ont une faiblesse dans le tawakkul en Allah, le fait de mettre la confiance en Allah et une faiblesse dans l'endurance des épreuves que Allah nous donne, alors ils deviennent faibles dans leur foi. Et c'est pourquoi on voit ces gens sortent de la science du Coran et de la Sunna dans le domaine de la ruqya et ils vont chez des marabouts, chez des sorciers, des gens qui font de la sorcellerie, des gens qui écrivent des gris-gris, des amulettes, des talismans. Et parfois ils l'écrivent avec le Coran, mais avec des choses impures. du sang ou d'autres choses. Ou bien parfois, ils écrivent dans une écriture qui n'est pas une écriture lisible. Ils écrivent dans des langues inconnues. Ou bien, ils écrivent avec des chiffres, des choses codées dont on ne sait pas la signification. Et souvent, c'est des formes de shirk et des différentes sortes de sihr et de sorcellerie que ces marabouts écrivent et que ces soi-disant chouyours écrivent, alors qu'en réalité, ce sont des charlatans et des sorciers. Et certains, aujourd'hui, maintenant, ils ouvrent des cliniques de ruqya et ils chargent des grosses sommes pour réciter du Coran sur les gens, soit des hommes ou des femmes, et d'autres récitent le Coran sur des caisses, des bouteilles d'eau, et ils vendent chaque bouteille $50 ou plus. Et tu vois également beaucoup de femmes qui vont vers ces gens-là, qui se disent faire la ruqya, que ce soit des parfois, comme on dit, ce sont des sorciers, et parfois ce sont pas des sorciers, mais ce sont des voleurs ou des gens pervers ou des marabouts. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se permettent de faire des péchés avec les femmes. Ils s'isolent avec elles, ils les touchent, ils leur font des choses comme ça au nom de la ruqya. Et ils prétendent faire la ruqya. Et malgré ça, les gens pensent que ça, c'est quand même bénéfique. Et tu vois que les hommes laissent leurs femmes aller visiter ces gens. C'est shayatin al-ins. Et une des choses qu'on constate également, c'est la prolifération des maladies de l'âme. De plus en plus, les gens disent être mashour ou être majnoun ou être possédé ou avoir du ayn ou toutes sortes d'autres maladies du cœur, des maladies de la poitrine, le cœur serré, la dépression et autre chose. Et des choses aussi qui causent des conflits entre l'homme et sa femme. Et le remède de tout cela, c'est dans le Coran et dans la Sunna, et non dans le sihr. Et la propagation de ces maladies, elle a une cause claire. Et c'est les shayatin qui habitent plusieurs maisons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, approchez-vous encore, barakallahu fikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. Approchez-vous encore un peu, si vous pouvez. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة. C'est-à-dire que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image, des photos, des images. Et les photos sont interdites. C'est interdit de les accrocher dans la maison selon l'ijma des ulama. Et ça fait partie des kaba'ir. De même que de faire rentrer des chiens dans la maison. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui imitent cette habitude des koufars d'avoir un chien dans la maison. Alors que c'est un grave péché. Les anges sont empêchés de rentrer dans leur maison à cause de ça. Et donc, ils n'ont pas la protection des anges. Et donc les diables se permettent maintenant d'entrer dans leur maison et de faire toutes sortes de désordres. Et comme les diables entrent dans les maisons où il y a des choses comme ça, eh bien aussi ils rentrent dans les maisons où il y a peu de récitation du Coran. Et le shaitan fuit la maison dans laquelle on récite Surat al-Baqarah. De même que le croyant, lorsqu'il se rappelle d'Allah et qu'il cherche refuge en Allah, le shaitan s'enfuit de lui. Tandis que quand son cœur est vide du rappel d'Allah, eh bien le diable prend le dessus sur lui et habite dans son cœur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله observez ceux qui ont des problèmes de sihr, qui ont des problèmes de ayn et qui vont chez les raqis Parfois, ce sont des gens qui ne prient même pas, font même pas la salat. Parfois, ce sont des femmes qui vivent dans la désobéissance d'Allah, elles ne font pas la salat, elles ne portent pas le hijab shar'i. Et ils n'étudient pas le Coran, la sunna, le tawhid, la bonne aqida. Et donc, c'est des gens qui vivent dans l'indifférence et l'insouciance. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas distinguer par la suite entre qu'est-ce qui est une ruqya qui respecte la sunna et entre les différentes formes de charlatanisme et de sihr. Et donc, il faut savoir que pour que la ruqya soit bénéfique, eh bien, premièrement, il faut qu'elle soit faite, comme on a dit, par qu'est-ce qui est dans le Coran et qu'est-ce qui est authentique de la sunna. Et aussi, la meilleure façon de faire la ruqya, c'est de faire la ruqya sur soi-même, de réciter le Coran sur soi-même, et non pas de demander à quelqu'un d'autre de réciter sur nous. Donc, la meilleure ruqya, c'est celle que tu fais à toi-même. Et ensuite, de mettre ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, en sachant que c'est un moyen que Allah a ordonné et que c'est peut-être aussi une cause. Hein, c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée comme étant un remède. Et donc chacun devrait se faire la ruqya à lui-même et faire la ruqya à ses proches et à sa famille qui sont malades en mettant leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas prendre ces choses-là à la légère et aller chercher la ruqya de n'importe qui. Et surtout qu'on sait que beaucoup de gens contredisent la sunna dans ce domaine. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a expliqué que les serviteurs qui sont rapprochés d'Allah, ceux qu'on appelle des awliya, ils agissent avec les djinns comme les prophètes agissaient avec les djinns. C'est-à-dire qu'ils leur ordonnent le bien et leur interdisent le mal, leur ordonnent le tawhid et leur interdisent le shirk. Et ils ordonnent aussi aux djinns d'obéir aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que celui qui agit avec les djinns de façon différente que ça, alors ce ne sont pas des awliya d'Allah, mais ce sont des sorciers et des charlatans. Et donc on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver du shirk et des voies qui mènent au shirk et aussi de nous préserver contre ces charlatans et ces marabouts, ces sorciers et ces diables qui égarent les musulmans. Et en particulier, il y en a un qui met ses vidéos même sur YouTube et qui s'appelle Ben Halima et qui prétend faire des captages de djinns. Et il entraîne de ses fidèles pour faire cette méthode aussi dans différents pays dans le monde, en Afrique en particulier, parce qu'il est en Afrique de l'Ouest et aussi dans d'autres pays. Et ces méthodes sont des méthodes de sorcellerie et de shirk et de kufr. Et donc il est très important de faire attention à ce genre de personnages et à tous ceux qui suivent sa méthodologie et ses voies qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين.